figurait Luciérnaga du groupe Mescla, groupe Mescla qui ouvre donc l'émission Le Nouveau Punk Metal Rock de ce soir pour votre plus grand plaisir. En tout cas, je l'espère, c'est le groupe qu'on va retrouver à l'honneur tout à l'heure avec son album Metamorphosis, sorti donc en 2016 sous le label Music Record, et c'est l'album qui sera chroniqué tout à l'heure. Alors j'espère que cette petite mise en bouche vous a plu, vous aurez pu remarquer un petit timbre quand même assez hispanique dans les paroles, et c'est le cas, mais tout ça on y reviendra donc dans la chronique tout à l'heure, bien entendu, je ne vous le cache pas. On va continuer avec d'autres choses, de la nouveauté, des albums sortis donc en 2017, également une autre petite piste de Mescla, et en attendant on va partir sur un groupe que j'ai découvert là tout fraîchement il y a quelques jours par tout hasard en naviguant sur les méandres d'internet. Ce groupe s'appelle Holdar, et bien entendu le titre de la piste je vais avoir du mal à vous lire sachant que c'est un groupe russe, mais je vous laisse vous faire votre avis tout de suite. On les découvre avec donc la piste Mahen Prun, voilà, quelque chose du genre, tiré donc de leur tout nouvel album sorti en 2017, si je ne m'abuse, You War, l'album de Holdar. C'est pour vous, allez, on se découvre ça dans le Punk Metal Rock. Et voilà, Holdahar avec Mannerheim. Voilà, j'ai été vous chercher la traduction. Je ne vous cache pas, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. C'était une petite découverte, en tout cas pour ma part, et je l'espère pour vous aussi. Hein, un groupe de pagan black metal qui nous vient donc tout droit de Russie. Et la Russie, du coup, c'est vrai qu'avec ces temps froids, bah, ça fait pas mal quand même de trouver un petit groupe de là-bas. Ça nous réchaufferait presque. Allez, en attendant, on repart tout de suite avec Mezcla et une nouvelle piste. Pour vous montrer qu'il ne chante pas qu'en espagnol sur cet album Metamorphosis, on va partir sur une piste un peu plus loin dans l'album, un peu plus vers la fin. Elle s'appelle L'Usurpateur et je vous laisse la découvrir tout de suite dans ce punk metal rock. Juste avant, je vous le rappelle, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher vos dédicaces. Alors allez-y, faites-vous plaisir, hein, www.punkmetalrock.com. We'll be right back. Et voilà, vous les avez entendus à nouveau, Mescla avec l'usurpateur, tiré donc de l'album Metamorphosis, album qui sera à l'honneur tout à l'heure en fin d'émission, un album qui sera chroniqué. Donc j'espère que tout ça vous plaît bien et que vous avez bien écouté en tout cas cette piste chantée en français pour ceux qui ne parlent pas espagnol couramment, ni même le death couramment, qui est d'ailleurs une langue à part entière, rappelons-le. Vous aurez pu remarquer quand même un niveau lexical d'écriture qui est quand même assez sympathique, le texte était bien travaillé et au niveau de la musique derrière, c'est quand même bien poussé aussi, mais tout ça, ne vous en faites pas, on y reviendra tout à l'heure dans la chronique. Allez, en attendant, le temps avance et on va continuer maintenant avec le groupe Wolfchant qui nous sort son nouvel album. Cet album s'appelle Blood Winter, si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, Blood Winter. Il est sorti tout fraîchement là, début 2017. Et ben, on va s'en écouter une piste dans le punk metal rock. J'espère que ça vous plaire. La piste, c'est Das Bollwerk. Je vous le rappelle, c'est un groupe de un petit peu viking metal allemand. Et en attendant, moi, je vous rappelle, vous pouvez toujours lâcher vos dédicaces. Alors, allez-y, hein, www.punkmetalrock.com. Allez, en attendant, Wolfchant avec Das Bollwerk. C'est pour vous. C'est parti. Let's rock. c'était donc Wolfgang avec cet album Blood Winter, sorti tout fraîchement en début 2017, hein, comme vous le savez, avec la piste Das Bollwerk qu'on vient de s'entendre. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on va rester en Allemagne, hein, avec une dernière piste avant d'attaquer la chronique. Le groupe c'est Victorious, c'est un deuxième album, si je ne m'abuse, Earth of the Phoenix, et on va s'en écouter d'ailleurs la piste éponyme. Cette fois-ci, on quitte un petit peu le côté folk pagan viking et on va partir plus dans le power metal. Alors j'espère que vous allez apprécier. Je vous invite toujours à venir me lâcher vos dédicaces à www.punkmetalrock.com. Mysterious avec Earth of the Phoenix, tiré donc de cet album Earth of the Phoenix qui est sorti tout fraîchement début 2017, hein. Groupe de power metal allemand, comme je vous le stipulais, et j'espère que vous avez apprécié toute la playlist jusque là dans l'émission. Voilà, comme vous le savez, le temps a assez avancé, on attaque tout de suite la chronique de l'album de ce soir qui n'est autre que Metamorphosis du groupe Mezcla, un album sorti en fin d'année 2016, enfin courant 2016 plutôt, l'année passée, et c'est un album assez, vraiment bien travaillé. C'est le second album du groupe d'ailleurs, hein, qu'un groupe français, je pense qu'il est important de le préciser, au rythme d'ailleurs teinté d'hispanique dans ses influences et qui est venu signer chez Music Record. Alors c'est à mi-chemin entre le death metal et voire même un petit peu quand même le flamenco, hein. On ressent ici au final un travail vraiment profond et accompli et quand même assez hybride. Vous aurez pu le remarquer d'ailleurs sur les deux pistes que je vous ai déjà diffusées tout à l'heure, hein, Luciérnaga et enfin L'Usurpateur, une piste chantée en espagnol, une autre en français, hein. Je vous inviterai à retrouver tout ça dans les podcasts si vous le souhaitez, hein, www.punkmetalrock.com. En attendant, aussi bien dans les textes que dans le style, on va osciller ici entre les contrées espagnoles fortes en chaleur et le death metal puissant et sombre. L'album est totalement abouti d'ailleurs de toutes parts. Certes, ce n'est qu'un second album, il peut encore y avoir de l'amélioration à l'avenir, mais en attendant, c'est déjà très bien. Il y a franchement un très beau travail derrière. Tout est bien fait, aussi bien dans la sonorité donnée par le mixage que dans les compositions en soi, ou encore dans ce style varié. Et d'ailleurs, un style, comme je vous le disais, un petit peu spécial, hein, faut le reconnaître, mais en même temps tellement accrocheur, sachant qu'il est bien fait. Voilà, c'est vrai que là-dessus, le groupe sait mettre un point d'honneur au fait que son style particulier, alliant certains passages un petit peu flamenco, un death puissant du chant aussi bien espagnol que français, ça peut être un petit peu risqué, et là-dessus, je leur tire mon chapeau, ils ont su tout réussir correctement, hein, côté voilà, donc style spécial, tant accrocheur, avec le côté espagnol qui est disposé avec parcimonie et qui s'est donné un sens précis à la recherche du groupe. À côté de ça, on va pas passer à côté non plus du death puissant prodigué par le groupe, ne jouant pas non plus dans l'amateurisme, hein, et sachant nous balancer les décibels comme il le faut dans les oreilles. Les 45 minutes de l'album d'ailleurs passent sans aucun souci, et on est même vite tenté de s'en refaire un petit tour tellement le côté charmant est présent malgré la brutalité de cet album. Le côté charmant, comme je vous le disais, notamment avec son petit côté particulier de l'espagnol et du français. Voilà, en attendant, on va repartir du coup tout de suite en musique, hein. Je vais vous laisser vous faire votre avis sur cet album avec justement les trois premières pistes, hein, qui ne sont autres que Criaturas Indecible, Sangre y Arena et enfin Mantis Religiosa. Mantis Religiosa, quand même un petit peu, même très ressemblante à la pochette, hein, qui vaut vraiment le détour. Je vous invite à aller retrouver tout ça, mais en attendant, montez le son, c'est parti, Mezcla avec l'album Metal Morphosis ce soir dans le Punk Metal Rock, et n'hésitez pas à lâcher vos dédicaces, hein, www.punkmetalrock.com. We'll be right back. Et voilà, Will de retour après avoir entendu du coup les trois pistes d'ouverture de l'album à l'honneur ce soir. Je cite Creatulas Indecible, Sangre y Arena et enfin Mantis Religiosa. Les trois pistes d'ouverture de l'album de Mezcla, second album Metamorphosis, sorti donc en 2016 et c'était l'album à l'honneur ce soir dans le Punk Metal Rock. J'espère que l'émission de ce soir vous a plu, que je vous ai fait découvrir des nouvelles choses et surtout que cet album de Metamorphosis, du groupe Mezcla, l'album Metamorphosis vous a plu ce soir. N'hésitez pas à me le dire encore une fois dans les dédicaces. Les dédicaces, c'est au même endroit que pour retrouver les podcasts. Hein, pour ceux qui ont raté l'émission ou qui souhaitent tout simplement la réécouter, la partager ou autre, vous pouvez y aller par la page Facebook, hein, Punk Metal Rock. Sinon, sur le site www.punkmetalrock.com. En attendant, petit rappel de ce qu'on a entendu ce soir. On n'a pas entendu que ces trois pistes de l'album. On a également ouvert avec Luciérnaga et un petit peu après l'Usurpateur, toujours du groupe Mezcla. On était accompagné d'Oldar avec la piste Mannerheim, donc de leur album Your War, un groupe de Russes de Pagan Black Metal. Wolfshant avec son nouvel album Bloodwinter et la piste Das Bollwerk. Et enfin Victorious avec Earth of the Phoenix et donc de l'album Earth of the Phoenix. C'était donc deux groupes allemands de folk viking et de power metal. Pour vous, dans ce punk metal rock, hein, que des albums de 2017 pour accompagner Mezcla ce soir. Mezcla qui va refermer l'émission dans quelques seconde avec la piste de clôture, la piste également éponyme Metamorphosis. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle édition du Punk Metal Rock. Merci à tous les groupes que j'ai en contact également, que comme vous pouvez le voir, je vous le diffuse. Hein. Donc voilà, vous le savez. Et en attendant, j'espère que ça vous plaît, à vous auditeurs, comme à moi, ça me plaît de faire cette émission. Alors encore une fois, merci à tous, merci à toutes. Je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, même lieu, même heure pour une nouvelle édition du Punk Metal Rock. Et je vous le rappelle encore une fois, hein, comme vous le savez, vous pouvez retrouver les podcasts, les playlists, les chroniques, tout ce qu'il faut, tous les liens également pour me contacter hein, sur le site du PMR www.punkmetalrock.com ou sinon directement par la page Facebook que je vous invite à liker et à partager Punk Metal Rock. Allez, en attendant, comme je vous disais, donc à la semaine prochaine, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien, que le métal vous garde. See you soon, stay tuned. And Stay Metal, on se quitte donc avec Metamorphosis, piste éponyme de ce nouvel album de Mezcla.